Un volume sans vieillesse est un groupe de tuyaux du savoir sonore, comme en amour un tuyau secondaire sonorise quelquefois l'orgue silencieux.